peut-elle exister? Je l'ignore encore. Tant de mes souvenirs et de mes rêves se confondent à l'aurore. Dans cette ville où l'amour s'est figé en œuvre d'art, que reste-t-il tel que cet air cérémonieux sur une musique de Monteverdi ou Cavalli? Un mur de pierre couvert de roses trémières, des bras surgis de l'ombre blanc comme les marbres de Longini, avec des gestes si fins et si élégants, des cheveux tressés à la manière des madones de Montigny. J'ai erré jusqu'à la nuit de ce décor lunaire, le long des kalidoscopes très vagues, à la poursuite de ces basiliques